si fuck, coupe-moi, je blâme. Faut être dans le mental, comme d'hab, ma gueule. C'est la rue. Hey. Hey, y'a des gros bandits qui m'ont dit tu vas les tuer. Je peux pas dire leur blase à des gens qu'ils ont ligoté. Ils m'ont dit si tu perds pas, bah t'inquiète pas, on pourra toujours prendre des lovés. You know, pour ça comment y'a qui à lever. Ouais, un calibre GP on y va. Quoi, on s'en bat les couilles, ils sont combien. Regarde ce qu'il y a dans mes mains, je vais leur montrer la mafia. Quand je te parle, y'a des lovés qui rentrent. Ouais, néo, t'as capté, j'ai plus la même montre. T'as parlé mal de moi, je t'ai fait mettre à l'amende. Je suis un mec de la brume, je connais tout le monde. On est des bandits, la putain de ta madre. Et toi, si t'en es un pouce, la pape et un babu. Les rappeurs ont du talent, mais je leur sens tous ma queue. Je vais jamais les sucer pour rapper avec eux. Hey. Ouais. Cogno, je le paye, ouais. Celui-là qui va me défier. Je le paye, celui-là qui va me défier. Pousse-toi de moi, j'ai vidé la belle vie. Ouais. Si j'ai mes gants, c'est qu'il faut te méfier. Bang. Bang. Je joue que le greffier. Ouais. Parce que ces anges avaient testé le VF. Je suis pris les longs jours. La patata. Et des calibres tout noirs. J'en veux toujours encore. Je connais des mecs qui ont tiré sur des miradors. Comment tu veux que je dors? Pour tomber ton réveil demain, on va prendre de l'or. Hey, cogno, deux calibres dans l'auto, car il y en a un qui s'enraye. Y'a des bandits qui m'écoutent et ils voient, c'est pas pareil. Hein? J'ai dit sur Jack Mello, il a pris son paquet. Tiens, je m'en bats les couilles que t'as réussi ta vie. Si y'a des gens qui t'envient, tu s'arrêtes. Mais fais pas trop la malade quand tu passes devant les miens. Un mot de travers et tu vas enlever ta patèque. Le matin, on l'a fait, le lendemain, on a pris son coffre. Gros, si tu savais tous les coups de crosse. Moi je suis un mec tout pour poche. Ce que t'as mis à gauche, je l'ai dans ma poche. Cogno, je le paye, celui-là qui veut me défier. Je le paye, celui-là qui veut me défier. Pousse-toi de moi, j'ai vidé la belle vie. Bah ouais. Si j'ai mes gants, c'est qu'il faut te